chanson française de tous les temps et tous les autres bonjour. Vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy 94.2. Yves et Cazé sont à la technique, Daniel en votre compagnie pour vous présenter la cerise sur le canto numéro 51. Un panorama comme d'habitude de chansons françaises d'aujourd'hui, d'hier, d'avant-hier et même des tubes de demain. Hein, il faut aller les chercher, c'est vrai. Un jury neutre, impitoyable et surtout incorruptible, qui classe les titres diffusés et établit ainsi le classement de l'émission. Résultat donc de l'émission précédente, la cerise sur le canto, c'était le numéro 50, et c'était il y a 15 jours, médaille de bronze pour Nicole Rieu, et bonjour à toi l'artiste. Médaille d'argent pour Jean Ferrat, ah mais pas Jean Ferrat tout seul, Jean Ferrat et Félicien, sacré Félicien. Chanson, dans l'ensemble. Toutes sont belles, mais enfin, pour nous c'est la montagne. Mais... C'est une chanson d'ici, ça. C'est une chanson qui représente bien le pays. Il chante sacré Félicien. C'est moi. Sachez qu'en mon pays, avec tous mes amis de veille et de bamboche, il faut se lever tôt pour avoir le droit au titre de roi des cloches.

Aya Nakamura parle d'un mec qu'il imagine fille facile à manipuler, mais c'est que ça ne se passe pas comme ça. Aya arrête sur place n'importe quel garçon qui essaie de la contrôler. Très charismatique, Aya Nakamura ne cache pas son côté savage et s'adresse à ceux qui sont tombés sous son charme qu'elle n'est pas une fille facile et qu'elle ne tombe pas aussi facilement amoureuse. 40% Aya Nakamura. Mais je t'avais dit que j'étais savage. À vrai dire, je suis pas très sage. Et tu vois bien ce que je dégage. Je suis trop charismatique. Aya Nakamura. Ah, tu connais quoi, elle veut me manipuler. Fais doucement, tu pourrais m'en douter. Je vois que tu galères à passer le step. Parler dans ma tête, c'est mort. Je t'envoie balader. Mais je t'avais dit que j'étais savage. À vrai dire, je suis pas très sage. Et tu vois bien ce que je dégage. Je suis trop charismatique. Tu kiffes mes timidiques. Il m'a dit baby, ma pardon. Fais doucement, je pète tes plombs. Et quand tu mens comme ça, t'as 40%. Tu fais la gueule, arrête-moi ça. C'était qu'un jeu frustrant. Mais mon Dieu, que c'est doux à l'âge de ménage. Il est piqué, c'est pas compliqué. Bébé, pourquoi la doux? Pourquoi la doux? J'ai changé la donne, je vais la dominer. Je sais pas pour qui tu m'as pris, j'ai capté l'attaque, j'ai crom pom pom. Je crois bien que tu l'as senti, t'as loupé le gorge de la gâchette. Ça fait rom pom pom. Toc toc toc, mais qui va là? J'ai eu ma dose, stop, qui va là? Tu t'approches, tu m'éloignes. Et maintenant tu veux deviner mes failles. Je suis trop charismatique. Tu kiffes mes gymniques. Il m'a dit baby, ma pardon. Fais doucement, fais tes tons. Et quand tu mens comme ça, jusqu'à 40%. Tu fais la gueule, arrête-moi ça. C'était qu'un jeu redescend. Mais mon Dieu, que c'est doux à l'âge de ménage. Il est piqué, c'est pas compliqué. Bébé, pourquoi la doux? Pourquoi la doux? J'ai changé la donne, je vais la dominer. Pourquoi tu mens comme ça? Et maintenant, j'en connais un qui ne va pas être content, mais pas content du tout. C'est notre ami Jean-Luc, responsable technique, parce qu'il va avoir malheureusement l'occasion d'écouter un disque 78 tours qui gratte et qui gratte bien. Alors bon, bah écoute Jean-Luc, on va te dédicacer le disque tout simplement, hein. C'est pour rattraper. On a beau faire et beau dire, c'est mieux d'avoir le sourire et de savoir tout le temps être content, n'est-ce pas? Les soucis, merci, ça m'est égal. Les ennuis, tant pis, oh, moi je m'en fous pas mal. C'est banal, c'est jovial, c'est le principal. Et puis, bon, je suis pas assez bête pour perdre ma galette, j'ai pas un rond. Enfin, jamais une seule maîtresse m'a mis dans la détresse. Jamais. J'en ai par bonheur toujours plusieurs. J'ai ma combine, George Milton. Y'a beaucoup de gens qui font du mauvais temps. Ils sont hésitants, pas les tremblants. En toute sincérité, je plains ces gars-là. Je ne suis pas comme ça, car je m'en fais pas. On a beau faire et beau dire, c'est mieux d'avoir le sourire et de savoir tout le temps être content. J'ai ma combine. Jamais dans la vie rien ne me turlupine. J'ai ma combine. Je garde mon petit cœur blanc comme la blanche hermine. Les soucis, merci, ça m'est égal. Les ennuis, tant pis, je m'en fiche pas mal. J'ai ma combine. C'est banal, mais c'est jovial, c'est le principal. Y'en a des coucous qui se laissent dépouiller. Ils se font nettoyer par des banquiers. Après ils courent se plaindre au procureur. Et partout ils pleurent sur leur malheur. Moi je ne suis pas assez bête pour perdre ainsi ma galette. Pour sauver mon pognon, j'ai pas le rond. J'ai ma combine, jamais dans la vie l'argent ne me turlupine. J'ai ma combine, je garde mon petit cœur blanc comme la blanche hermine. Les soucis, merci, ça vous figare. Les ennuis, tant pis, je m'en fiche pas mal. J'ai ma combine, c'est banal, mais c'est jovial, c'est le principal. En 1976, la finale du concours Eurovision de la chanson était organisée aux Pays-Bas, à La Haye. 18 pays participaient, et la France était représentée par la chanteuse Catherine Ferry sur la chanson 1, 2, 3. Oui, c'est le titre, 1, 2, 3, composé par Tony Rallo et paroles de Jean-Paul Carra. Alors, on va vous faire rentrer dans les coulisses du concours d'Eurovision. La chanteuse Catherine Ferry était à l'époque la petite amie de l'auteur, compositeur, interprète Daniel Balavoine, et dont le style musical était plutôt pop-rock, et qui ne voyait pas d'un très bon œil sa participation à l'Eurovision avec cette chanson au style très variété. Alors cependant, elle accepta d'enregistrer la chanson et de participer au concours, à condition que la phase B du 45 tours soit une composition de Daniel Balavoine, et cette composition, c'était Petit Jean. Finalement, lors de sa prestation à l'Eurovision, Catherine Ferry fut accompagnée par les chœurs de Daniel Balavoine et l'un de ses frères. Et c'est le Royaume-Uni qui remportait l'épreuve avec Save Your Kisses For Me, interprété par Brotherhood of Man. Une belle deuxième place pour Catherine Ferry et la France. Bravo, 1, 2, 3, Catherine Ferry. Ma politique à moi, c'est d'être aimé de toi et chanter la la la la la la la. 1, 2, 3. La vie n'est pas pour moi un livre de Kafka. 1, 2, 3. Jouer, jouer, musicien, enchantez-moi, magicien.

je fourre la tête dans les feuillets. C'est pas moi, c'est ma sœur, que c'est la machine à vapeur. Ta gueule. Éric Graff, connu successivement sous les pseudonymes de Helmut Fritz, puis de Geronimo, est né en 1975 en France, à Forbach. Et c'est donc bien un chanteur, auteur, compositeur, interprète et producteur français. Il a connu le succès en 2009 en se créant ce personnage de Helmut Fritz au faux accent allemand. Ça m'énerve, c'est déjà vendu à 500 000 exemplaires. Ça m'énerve, Helmut Fritz. Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Ça m'énerve. Au personnel médical et à tous les héros du quotidien qui continuent le travail. Et d'un verre, mais tout Paris est désert. Ils sont tous à la maison. Moi aussi, j'ai l'air d'un con. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Pharmacie, rue de Grenelle. Je demande un masque et du gel. Mais on vit dans quelle époque? Parce qu'il y a la rupture de stock. Ça m'énerve. Toutes celles qui sont plus épicoles à la quête Moss. Le rouge à lèvres c'est fini, pas le temps, y'a les gosses. Ça m'énerve. Toutes celles qui font pas du 34 comme Marwan Oud. Ça m'énerve. D'ailleurs raison. T'enfileras un jogging, t'éternueras dans ton coude. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Devant Bichat, la folie, ils prennent que les VIP. Moi j'arrive sur mon brancard, on me dit non, tu repars. Ça m'énerve. J'appelle Amazon, une blondasse au téléphone me dit: je peux vous aider? J'ai plus de PQ, vous livrez. Elle m'énerve. Mon Dieu, qu'elle m'énerve. J'ai vu une chauve-souris milliardaire. J'ai dit Batman, vous foutez tout en l'air. Puis j'ai croisé Macron dans les vestiaires. Il m'a dit, elle vous rentre chez toi. Nous sommes en guerre. Toutes celles qui ont chopé le cul de Kardashian. Qui veulent plus s'asseoir, arrêter le parmesan. Qui boivent du champagne rosé. Ça m'énerve. Pour oublier le confinement qui va durer. Ça m'énerve tous ces gens qui font la queue devant le Franprix. Tout ça pour des panzanis. Mais bon, en 5 minutes c'est cuit. Ça m'énerve. Toutes celles qui sont plus épicoles à la quête Moss. Le rouge à lèvres c'est fini, pas le temps, y'a les gosses. Toutes celles comme toi qui s'inquiètent pour une nouvelle ride. Relativiser c'est quand même moins grave que le Covid. Ça m'énerve. Un peu de noir sur ses yeux, une fleur dans ses cheveux, et son corps commence à se déhancher. Un zeste de tequila, et les voilà señorita, toujours prête à faire la fiesta sur un air latino, Lori. Sur un air latino. Thank you. une chanson de 2020 qui colle bien à la propagation du Covid-19. Oshi affirme avoir écrit cette chanson en 2019 et ne pensait pas qu'un an plus tard, ses mots prendraient une telle actualité. Elle décrit une génération insouciante, égoïste et nonchalante qui ne se soucie pas du bien de la planète et ne pense qu'à son bien à court terme. Elle décrit les masques que vont porter les futures générations à cause d'un air trop pollué, des paroles sombres et pessimistes. Le message est lourd, tandis que la mélodie est joviale. Les enfants du danger, Oshi. On danse sous les flashs pour oublier le pire. Jeunesse trop trash qui ne veut pas grandir. On s'attache, on se lâche, nous on préfère détruire. On est devenus des monstres, on voulait juste être grand. En course contre la montre, juste pour tuer le temps. Qui peut montrer l'exemple à part nos parents? Depuis la naissance, on nous dit de faire semblant. Alors on cherche un sens, quitte à faire demi-tour. Il nous reste l'amour et notre adolescence qui durera toujours. On est des enfants du danger. Tout soleil, on descend. Dernier titre figurant sur l'album éponyme de S'il suffisait d'aimer, sorti en 1998, c'est un véritable chef-d'œuvre dans lequel se sont unis un texte puissant et une douce mélodie. Un hymne à l'amour qui résulte d'une collaboration de Céline Dion avec Jean-Jacques Goldman. Un hymne à l'amour qui résonne dans les cœurs et continuera de le faire encore longtemps. S'il suffisait d'aimer Céline Dion. Je rêve son visage, je décline son corps, et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler, comment lui faire lire au fond de mes.